Aussi, à ses avantages, tu peux te balader anonyme. Non, pas comme dans ton village. Histoire de l'humanité, d'un village à la cité. Perdre, gagner. Perdre beaucoup, gagner beaucoup. Aller d'un au milieu des autres, confronté à l'altérité. Un autre, deux autres, trois autres. Tellement différent. C'est violent. 1, 2, 3, 4 autres. En se mélangeant, faisant fi des corps à corps présents. Engagé à présent, dans un morceau, jusqu'aux pattes, jusqu'au cerveau. Truc de fou, truc de dingue, truc de psycho. Ha, ha, yeah, oh, oh. Quand tu dis aime, je dis aime, dis aime. Qu'est-ce que tu aimes? Quand tu dis j'aime, dis aime, je dis aime, dis aime, tu dis aime. Quand je dis aime, dis aime, je dis aime. Poison dans les blés. À 4h du matin, allongé. Je dis, je dis, je dis, je dis, je dis, je dis, je dis, je dis. T'as beaucoup blessé. Je dis, je, tu dis, je dis, moi, tu dis, tu dis, Exaudi Populus. Stella Splendes. Splenda Splendes. Saudi Popolo. Saudi Popolo. Splenda Saudi. It's a stella splendid. Une étoile. Une étoile qui brille dans le ciel. Splendid. The cloudy. Et tout le peuple voit l'étoile briller. Tout d'un coup, événement organisé. On voit tous la même étoile, la même étoile. Il est bientôt l'heure de plier.